Exode chapitre 26. Tu feras aussi le pavillon de 10 rouleaux de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate, et de cramoisi, et tu les feras semer de chérubins d'un ouvrage exquis. La longueur d'un rouleau sera de 28 coudées, et la largeur du même rouleau de 4 coudées, tous les rouleaux auront une même mesure. 5 de ces rouleaux seront joints l'un à l'autre, et les 5 autres seront aussi joints l'un à l'autre. Fais aussi des lacets de pourpre sur le bord d'un rouleau, au bord du premier assemblage, et tu feras la même chose au bord du dernier rouleau, dans l'autre assemblage. Tu feras donc 50 lacets en un rouleau, et tu feras 50 lacets au bord du rouleau, qui est dans le second assemblage, les lacets seront vis-à-vis l'un de l'autre. Tu feras aussi 50 crochets d'or, et tu attacheras les rouleaux l'un à l'autre avec les crochets, ainsi sera fait un pavillon. Tu feras aussi des rouleaux de poils de chèvre, pour servir de tabernacle par-dessus le pavillon, tu feras 11 de ces rouleaux, la longueur d'un rouleau sera de 30 coudées, et la largeur du même rouleau sera de 4 coudées, les 11 rouleaux auront une même mesure, puis tu joindras 5 rouleaux à part, et 6 rouleaux à part, mais tu redoubleras le 6e rouleau sur le devant du tabernacle. Tu feras aussi 50 lacets sur le bord de l'un des rouleaux, savoir, au dernier qui est accouplé, et 50 lacets sur le bord de l'autre rouleau qui est accouplé. Tu feras aussi 50 crochets d'airain, et tu feras entrer les crochets dans les lacets, et tu assembleras ainsi le tabernacle, tellement qu'il ne soit qu'un. Mais ce qu'il y aura de surplus du rouleau du tabernacle, savoir, la moitié du rouleau qui demeurera de reste, flottera sur le derrière du pavillon, et une coudée de ça, et une coudée de là, de ce qui sera de surplus dans la longueur des rouleaux du tabernacle, flottera aux côtés du pavillon, ça et là, pour le couvrir. Tu feras aussi pour ce tabernacle, une couverture de peau de mouton teinte, en rouge, et une couverture de peau de tesson par-dessus. Et tu feras, pour le pavillon, des ais de bois de sittim, qu'on fera tenir debout. La longueur d'un ais sera de 10 coudées, et la largeur du même ais d'une coudée et demie. Il y aura 2 tenons dans chaque ais, en façon d'échelon, l'un après l'autre, et tu feras ainsi de tous les ais du pavillon. Tu feras donc les ais du pavillon, savoir, 20 ais aux côtés qui regardent vers le midi, et au-dessous des 20 ais tu feras 40 soubassements d'argent, 2 soubassements sous un ais pour ces 2 tenons, et 2 soubassements sous l'autre ais pour ces 2 tenons. Et 20 ais à l'autre côté du pavillon, du côté du septentrion, et leurs 40 soubassements seront d'argent, 2 soubassements sous un ais, et 2 soubassements sous l'autre ais. Et pour le fond du pavillon, vers l'occident, tu feras 6 ais. Tu feras aussi 2 ais pour les encoignures du pavillon, aux deux côtés du fond, et ils seront égaux par le bas, et ils seront joints, et unis par le haut avec un anneau, il en sera de même des 2 ais, qui seront aux deux encoignures. Il y aura donc 8 ais, et 16 soubassements d'argent, 2 soubassements sous un ais, et 2 soubassements sous l'autre ais. Après cela, tu feras 5 barres de bois de sittim, pour les ais d'un des côtés du pavillon. Pareillement tu feras 5 barres pour les ais de l'autre côté du pavillon, et 5 barres pour les ais du côté du pavillon pour le fond, vers le côté de l'occident. Et la barre du milieu sera au milieu des ais, courant d'un bout à l'autre. Tu couvriras aussi d'or les ais, et tu feras leurs anneaux d'or pour mettre les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras donc le tabernacle selon la forme qui t'en a été montrée en la montagne. Et tu feras un voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors, on le fera d'ouvrage exquis, semé de chérubins, et tu le mettras sur 4 piliers de bois de sittim, couverts d'or, ayant leurs crochets d'or, et ils seront sur 4 soubassements d'argent. Puis tu mettras le voile sous les crochets, et tu feras entrer là-dedans, c'est-à-dire, au-dedans du voile, l'arche du témoignage, et ce voile vous fera la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu poseras le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Et tu mettras la table dehors de ce voile, et le chandelier vis-à-vis de la table, aux côtés du pavillon, vers le midi, et tu placeras la table côté du septentrion. Et à l'entrée du tabernacle, tu feras une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour cette tapisserie 5 piliers de bois de 6 tims, que tu couvriras d'or, et leurs crochets seront d'or, et tu fondras pour eux 5 soubassements d'airain.